Mais Marie Janson est actuellement en train de faire une interview avec la RTS. Je suis passée la voir sur leur plateau, lui faire signe que c'était à notre tour maintenant. Et donc, elle va arriver incessamment sous peu. Mais alors, en l'attendant, on vous propose de réécouter le son mystère que vous pouvez, si vous l'avez deviné, vous pouvez nous téléphoner au 078 244 57 54 et gagner une place pour le concert de ce soir. Donc c'est un son mystère de Caroline Profanteur que nous n'avons pas encore mis sur le site internet, mais dès que Jonathan sera de retour parmi nous, Jonathan, on sait que tu nous écoutes et tu nous manques déjà beaucoup, on mettra les sons mystères en fait directement sur le site internet dès le matin, comme ça pendant les deux heures d'antenne, vous pouvez l'écouter en boucle pour essayer de le deviner jusqu'à 11h10.